Tô chipo. Thank you. forêt quand souffle le blizzard. Thank you. Thank you. C'est que c'est vraiment, vraiment qu'il avait trop mangé les bananes. C'est que vraiment qu'il avait vraiment. Il avait. Il est venu avec ses bananes. Yeah. Il voulait nous bluffer. Il jouait le poker. Il nous restait plus qu'à prier. faut manger des bananes chaque jour, il nous a dit. Thank you.

J'étais en train d'écrire son feuille. J'avais pas d'idée. We are the world. We are the children. Ça me semblait bizarre. We are the world. Yeah. giving them a choice. We are making, we are saving our own life. It's true, we'll make a better day, just you and me. Yeah, the one of the day, so let's.